Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Bonjour et bienvenue chers auditeurs de Radio Fadjet qui, comme moi, avaient vu récemment passer le petit Papa Noël. Nous nous retrouvons allègrement en ce jour pour réévoquer la poésie sous toutes ses coutures. Depuis quasiment le début de l'avènement de mes petites pastilles poétiques, je ne cesse de vous parler des sujets qui m'ont le plus marqué. Ces derniers ont le parfum des sentiments exacerbés et du ressenti qu'on privilégie à des angoisses odieuses. Qu'il s'agisse de BD, de poèmes, de cinéma, rien n'est trop beau pour voir surgir, parfois même de la vie quotidienne, cette dose subliminale de poésie qui fait que l'on fait la sourde oreille gentiment aux angoisseurs à micro qui partagent des news en veux-tu en voilà au point de nous en faire nous désintéresser fermement d'une actualité qu'on voudrait meilleure et qui, entre nous soit dit, pourrait bien l'être si l'on le voulait bien. Et puisqu'il s'agit de réinventer, de poétiser la vie quotidienne, il me faut bien vous parler d'une chose essentielle à ma vie qui la rend doucement plus sereine et certainement plus attractive que toute chose sur Terre. Comment votre serviteur n'aurait-il pas pu faire une chronique sur le lien entre poésie et nourriture, voyons ? Car les aliments, la nourriture, la douceur et l'extrême générosité des aliments que l'on consomme parfois dorénavant machinalement, cela va bien être tout l'objet de cette petite chronique, mais chers amis. Mais avant, vous le savez bien, il nous faut ponctuer cette audace littéraire d'un peu de cette musique qui apaise nos cœurs et nos esprits. Parler de nourriture en temps de fête, sacré défi. Retour de votre pastille poétique sur Fadjet. Et comment parler de poésie et de nourriture sans évoquer deux grands poètes du XXe siècle, Francis Ponge et Jacques Prévert. Si le premier, avec le parti pris des choses, consacre des textes entiers aux objets ordinaires et notamment à des aliments comme le pain, Prévert fait entrer la nourriture dans la poésie par le quotidien. Le pain, la pomme, le café, la table familiale. Dans le pain, il célèbre cet aliment simple comme symbole de partage et de solidarité. Dans Parole, la nourriture apparaît souvent comme signe d'humanité, de tendresse ou d'ironie sociale. Mais alors, pourquoi c'est marquant ? Eh bien parce que la nourriture devient un motif populaire, familier, chaleureux, parfois engagé. Les frères Prévert, en 1958, réalisent un court-métrage d'une grosse quinzaine de minutes sur le pain. Le pain, qui fut tout autant objet de religion, de générosité, devient ici presque un objet de nécessité. Et évidemment, de poésie. Revenons sur Ponge, qui parlait du pain comme cela. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. N'est-il pas meilleur instinct de poéticité que celui qui consiste à aller à la boulangerie, sourire à ceux qu'on croise, parfois braver le froid de décembre, puisqu'on y est, pour offrir de quoi saucer de merveilleuses préparations. L'occasion, pourquoi pas, d'une affectueuse rencontre, d'une surprise qui, la plupart du temps, peut nous ravir l'esprit. Mais plus que la nourriture, il y a aussi parfois ceux qui la font, ceux qui composent des poèmes entiers en l'honneur de cette nourriture dont ils se font les meilleurs amis, les plus tendres confidents. J'ai nommé « cuisinières et cuisiniers ». Quand je parlais du fait que la poésie pouvait être dans les choses les plus banales, je pouvais aussi mentionner ces artistes toqués. Et d'ailleurs, je l'ai fait dans une de mes poésies. La voici. Mais je veux ici convaincre, disais-je, que le cuisinier fait de l'art autant qu'un poète sait versifier. Au creux d'un couteau, on perce l'intimité d'une viande ou d'un dessert dévoré. Qu'on marie l'art et la cuisine, une rime entre le lard et l'art, il n'y a qu'une rime. Une seule syllabe qui donne le goût au vin, ou casse le pied, le verre et l'alexandrin. Voyez comme l'agitation d'un fouet fait se mouvoir, comme sur un tourniquet, une sauce, une odeur d'enfance qui nous replonge sans méfiance et avec une certaine émotion dans le bonheur de cuisiner. Chapeau bas aux artistes toqués qui, comme moi, font des vers sans être remarqués. Eh oui, mes chers amis, car il n'y a pas que ceux qui tiennent les plumes ou les pinceaux qui savent réinventer la vie. Comment ne pas penser au pâtissier Raguenaud dans Cyrano de Bergerac qui voulait la césure dans le pain entre les hémistiches. Lui qui mêlait l'art de bien manger au fait de bien poétiser, de bien rimer. Et c'est d'ailleurs bien souvent autour d'un repas que se jouent les plus belles promesses. Une embauche, un flirt ou même un simple repas de famille qui, s'il peut parfois tourner au vinaigre, sait souvent conjuguer l'espérance de revoir les gens et le bonheur d'aimer. Mais puisqu'il est de bon ton de savoir casser la croûte, il ne faut pas non plus oublier sur notre route de recroiser quelque peu la musique qui sait nous envoûter. On se retrouve juste après. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vidons les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vive les quenottes qui croient et grignotent, quand l'appétit va tout bas. Écoutez ce qui va suivre, le vieux proverbe est changé, on ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va tout bas, pour la santé y'a que ça, la pire émotion c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro, pour manger et boire, font jouer dimanche soir, quand l'appétit va, tout va. Cléo, j'aime ton nez mignon, j'aime aussi les champignons, et puis les saucisses et le pain d'épices, quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Quand l'appétit va, tout va, quand l'appétit va, tout va, veuillez rendre hommage au glorieux fromage, quand l'appétit va, tout va. Retour de votre pastille Poétique sur Fadjet. Je disais récemment à certains amis, déplorant mes réserves de nourriture, que je voudrais que cette société décadente réhabilite le fait de prendre un petit déj à 20h. J'allais dire, je voudrais petit déjeuner à tous les repas. Mais j'ai vite compris que sans ces lasagnes bolognaises avec cette béchamel qui déborde, sans ces jambonneaux braisés au miel avec compoté d'échalotes, sans ces bœufs bourguignons, ces rognons, ces langues de bœuf délicates assaisonnées à la sauce piquante qui me rappellent les douceurs de vivre franches de ma mère grand, sans ces baba au rhum chargés, sans ces jambons à l'os, sans ces ramen magnifiquement agrémentés, je ne pourrais vivre sereinement ma vie. Donc le petit déjeuner restera finalement le matin. Et oui, il y a des douleurs dont la vie doit se faire des amis, que voulez-vous ? Donc oui, quand l'appétit va, tout va, de nos chers artistes qui ont composé bien évidemment Astérix, Mission Cléopâtre, évidemment, Astérix et Cléopâtre. On avait écouté juste avant le festin de Camille qui était présent dans Ratatouille, et bien maintenant c'est quand l'appétit va, tout va, car en plus d'être une chanson, c'est une sacrée belle maxime. Et comment mieux agrémenter ces plats qui nous font du bien et qui parfois durent aussi bien aussi qu'avec parfois un peu de fromage. C'est ce que proposait le poète Marc-Antoine Girard de Saint-Amand au XVIIe siècle avec son poème « Le fromage ». Voici quelques vers. Assis sur le bord d'un chantier avec des gens de mon métier, c'est-à-dire avec une troupe qui ne jure que par la coupe, je m'écris en lâchant un rot, « Béni soit l'excellent Bilot, il nous a donné un fromage à qui l'on doit bien rendre hommage. Oh Dieu, quel manger précieux, quel goût rare et délicieux, qu'au prix de lui ma fantaisie incague la sainte Ambroisie. Oh doux Cotignac de Bacchus, fromage, que tu vaux d'écu, je veux que ta seule mémoire me provoque à jamais à boire. » À jamais à boire. Pardon. Et puis, mes chers auditeurs de Radio Fadjet, vous voulez à boire ? Alors savourez donc l'âme du vin de Baudelaire. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chère déshéritée, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un champ plein de lumière et de fraternité. Car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir le refrain des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant? Les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. Pensez à nos camarades alsaciens dont certains parmi eux ont eu la noble et gentillesse pensée de rajouter une pleine majuscule avec délier au terme revigorant de l'amitié. J'ai un souvenir nostalgique de ce Gewürztraminer que la camaraderie nous avait fait descendre indolemment. Gloire aux vins alsaciens! Il va sans dire que dans son poème, Baudelaire cherche à poétiser l'essence même du vin et l'inspiration que ce dernier provoque à l'homme. Il en va de même pour Saint-Amand avec le fromage que je viens de vous lire. Baudelaire utilise souvent le vin comme motif central, célébré, maudit, consolateur. Et dans Les Fleurs du Mal, les poèmes « Le vin des chiffonniers »,« Le vin de l'assassin », »,« Le vin du solitaire » montrent le vin comme force poétique, refuge ou bien encore déchéance. Car oui, boire du vin, d'accord, mais avec modération, évidemment. Même si, franc camarade, il est parfois compliqué de dire qui est cette personne qu'on nomme modération, tant nos excès de bien-vivre lui font cette ombre qui ne lui donne fatalement point de sa lumière une glorieuse renommée. On aurait pu bien parler d'Apollinaire également. Avec Alcool, il signe l'un des recueils de poèmes les plus connus du XXe siècle. Dans Alcool, on trouve une abondance de références à la nourriture et au vin. Le vin, notamment, revient comme symbole de joie, de camaraderie et parfois même de mélancolie. Dans Vendémiaire, le pont Mirabeau ou encore Zone, la nourriture et la boisson ponctuent la vie moderne qu'il chante. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds, debout chanter plus haut en dansant une ronde que je n'entende plus le chant du batelier et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobile aux nattes repliées. C'est ce qu'il écrivait dans La Nuit Rhénane. Car la voilà l'essence même de la littérature et je l'ai déjà dit. Il faut bien lire et dévorer de ces rimes qui vous font oublier ceux qui désunissent et qui, pour parler de paix, parlent de guerre. Les mots forgent la ponctuation unie. Et jamais un point n'a été dans une histoire la fin d'un récit, mais plutôt le commencement glorieux de l'éveil de l'imagination, pleine et forte et entière, face à l'immondice de ces bonhumenteurs qui, à force de se mêler de tout, ne s'occupent vraiment plus de rien. L'imagination et la poésie comme rempart face à l'ignorance d'un monde qui croit que l'union va autrement qu'en se serrant la main avec bonhomie en souriant. Alors, mes chers camarades, ouvrez une bonne bouteille, mangez le pain, retrouvez ces plats de maman ou de grand-maman et savourez le bonheur d'être ensemble. Infligez de grands coups d'épée dans le brouillard imposé de notre société et n'attendez rien, surtout rien. Courez à l'assaut de ces moments passés ensemble qui font, qu'on se le dise, les fondations de notre humanité. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous saluer bien bas, comme à l'accoutumée, et vous dire à très bientôt pour une nouvelle pastille poétique qui, comme le monde, aura pris un an de plus. Belle continuation et de gros bisous.